En Corée du Sud, selon Yonhap du 11 décembre, sont découverts beaucoup de papiers qui prouvent la manipulation de Park Geun-hye par la civile novice Choi Soon-sil et cela suscite une plus grande indignation de tous les milieux. Selon le parquet, 180 documents à destination de Park Geun-hye ont été passés d'abord à Choi Soon-sil jusqu'à cette année. 50 documents se trouvaient aussi dans l'ordinateur trouvé auparavant par la radio JTBC. C'est une preuve du scandale politique jamais connu.